En Corée du Sud, selon la radio MBC, trois bombardiers stratégiques nucléaires B-2 de la base d'aviation de l'État de Missouri sont disposés à Guam, base avancée pour l'agression contre la Corée. Le commandement stratégique américain en a informé le 9 août. Les fantoches sud-coréens prétendent ouvertement que cette mesure est une riposte contre la provocation de la Corée du Nord et l'avertissement préalable à notre pouvoir. Par ailleurs, le 9 août, trois bombardiers stratégiques nucléaires B-2A de la base d'aviation Whiteman de l'État de Missouri sont disposés à la base d'aviation Anderson à Guam. Le 6 août, la base Anderson a reçu quatre bombardiers stratégiques nucléaires B-1B, tristement célèbres.